6 à 1. Faut que je te raconte. Samedi dernier, j'étais seule chez moi parce que mes parents étaient sortis et j'avais décidé de préparer un petit dîner sympa pour mon petit ami et quelques copains. J'avais bien réfléchi au menu et mon idée était de créer la surprise parce que j'ai la réputation de pas savoir faire cuire un œuf. Ah ben oui, ça c'est bien vrai. Bon, la veille, j'avais fait les courses et j'avais étudié les recettes que je voulais faire. Et alors ? Je venais de mettre le four en route et tout à coup, j'ai entendu un drôle de bruit dans la cuisine. 2. Alors voilà, l'an dernier, il m'est arrivé une drôle d'aventure. J'étais parti à Paris, chez mon ami Marc, et comme il travaillait toute la journée, il m'avait laissé un jeu de clés. Bon, et j'étais au Louvre, donc... Oui ? Et mon portable sonne. Et c'était mon ami Marc, donc, qui m'appelait pour me dire qu'il avait oublié les clés chez lui, et que je devais être à 7h devant l'appartement pour pouvoir lui ouvrir. Donc à 6h30, j'ai refermé le livre que j'étais en train de regarder... 3. Alors, figure-toi que la nuit de dimanche à lundi, j'étais chez Lucie. Alors, il devait être, je sais pas, minuit à peu près. Et quelqu'un a appelé à l'interphone de la porte d'entrée. Alors, elle est allée répondre, mais il n'y avait personne. 10 minutes plus tard, l'interphone a à nouveau sonné. Alors, Lucie est allée répondre à nouveau, mais toujours personne. Non. Si. Alors, bon, quelques minutes plus tard, la même chose. Bon, alors là, on a commencé à s'inquiéter.